Chapitre 3e. 8 jours après, cette plaine si tranquille était semée de combattants. Au moment où s'y attendait le moins, quand on le croyait retenu de l'autre côté des Vosges par la difficulté du passage, le vicomte de Turenne vint attaquer les impériaux. Surpris à l'improviste, il se défendait vaillamment. Le canon grondait de toutes parts, des troupes de cavalerie parcouraient la vallée en tous sens, les habitants effrayés s'enfuyaient dans les bois. Edith, seule au château de Falsberg, saisie de crainte et entourée de ses domestiques tremblants, priait le ciel de protéger son frère. Le vieux majordome lui avait, le matin, révélé l'aventure du casque d'or. Superstitieuse et exaltée, elle regardait dès lors la chute de sa maison comme inévitable. Vers le soir, fatiguée de son incertitude et pensant que Thécla pourrait peut-être lui donner quelques nouvelles, elle s'achemina vers la caverne du dragon. La chaumière de la sorcière était vide. Dans une espèce de vase posée sur une table se trouvaient des herbes aromatiques encore bouillantes. Un poignard tombé à côté, un gantelet de chevalier un peu plus loin, indiquaient l'exécution de quelque charme magique. Edith se laissa tomber dans un fauteuil et attendit. La canonnade continuait toujours. Tout à coup la porte de la cabane s'ouvrit. Thécla, dans son costume ordinaire, mais le visage pâle et le maintien abattu, entra suivi de deux paysans. À l'aspect de la jeune fille, elle fit 2 pas en avant. Edith de Ribeaupierre, avez-vous vu ceci ? Il lui montrait le vase dont je t'ai parlé. Oui, répondit-elle, mais vous, savez-vous quelque chose ? Je sais que j'ai passé la nuit à mélanger ces herbes magiques pour conjurer l'orage grondant sur cette vallée. Je sais que l'ennemi est venu, qu'on ne m'a pas écouté, qu'il est entré malgré moi dans le château des Ribeaupierre. Je sais qu'aujourd'hui cet ennemi triomphe et que mes charmes sont impuissants. Fille de mon seigneur, couvre-toi de deuil. La prédiction est accomplie. Le casque d'or a été sur une tête capable de le soutenir. Ta maison est éteinte. Malheur, malheur, malheur. En ce moment, le bruit du combat sembla se rapprocher. Quelques cris se firent entendre. Edith se leva effrayée. « Mon Dieu, protégez mon frère, » murmura-t-elle. « Turcaille m'épris, » s'écriait un des paysans placés en dehors de la cabane. « Car voici un parti de Français qui s'avance vers nous. Ils accompagnent un blessé. » Ô Seigneur, que vois-je ? Mademoiselle, mademoiselle, c'est monsieur le comte. » C'était lui, en effet. Le mystérieux marchand, couvert d'habits somptueux, portant sur sa poitrine l'ordre du Saint-Esprit, marchait à côté du brancard. Edith se précipita vers son frère. « Mademoiselle, lui dit respectueusement l'inconnu, il dort du sommeil des braves, vous ne le réveillerez pas. Mais je lui ai promis à son dernier moment de le porter au tombeau de ses pères, de faire ensevelir avec lui cette épée et le casque d'or dont le malheureux présage ne s'est que trop réalisé. Je lui ai promis de veiller sur sa sœur et je tiendrai mon serment. Mon quartier général sera établi à Falsberg afin que ce château n'ait rien à souffrir de l'occupation de mes troupes. Et vous, mademoiselle, vous serez libre de vous retirer où vous jugerez convenable. Mon appui ne vous manquera pas. » La jeune fille ne répondit que par ses sanglots. Le funeste cortège marchait toujours. L'étranger soutenait Edith et lui adressant des paroles de consolation. Thécla les suivait, répétant par intervalles « Malheur, malheur, la maison de Ribeaupierre est éteinte. »« Quel est ce seigneur ?» demanda le majordome. « Le vicomte de Turenne, » répliqua Thécla. « À son tour maintenant, la mort ne le fera pas attendre. » Ainsi s'achève le casque d'or par la comtesse d'Ache.